Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Nous partons à la recherche de l'arche perdue, oui, loin des fantasmes que l'évocation même de l'arche d'alliance suscite. Les avancées archéologiques historiques nous éclairent sur cette passionnante énigme millénaire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'Arche d'Alliance. Ce coffre antique renferme les tables de la loi, autrement dit les 10 commandements qui ont été dictés par Yahvé, par Dieu, à Moïse. Où se trouve-t-elle ? Dans la Bible, bien sûr, mais aussi dans le grand dictionnaire universel de Pierre Larousse au XIXe siècle, qui écrit « Dans le temple de Salomon, en tenant compte toutefois de l'exagération orientale, tout était couvert d'or, l'autel ». Le tabernacle, les immenses chérubins qui touchaient de leurs ailes les deux parois, tout était plaqué de lames d'or. L'arche d'alliance en bois de cèdre revêtue de plaques d'or et constellée d'onyx et le fameux chandelier à 7 branches. Mais quand Pierre Larousse parle de l'arche d'alliance dans son dictionnaire, ce n'est pas à l'article arche, ni à l'article alliance, même pas exode. Non, c'est à l'article orfèvrerie. L'arche est un bijou, mais l'histoire de l'arche, elle, est un véritable joyau. Thomas Romer, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste, j'aime beaucoup ces métiers peu répandu, mais nécessaire. Vous êtes administrateur du Collège de France, professeur titulaire de la chaire Milieu biblique et co-auteur avec Jacqueline Chaby de Dieu et la Bible, Dieu de la Bible, Dieu du Coran. Et aussi, ça nous intéresse sur France Culture, de vos cours, bien sûr, au Collège de France qui sont diffusés, qu'ils peuvent être écoutés, évidemment, et même podcastés en ligne sur le site internet franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et vous participez au documentaire L'Arche d'Alliance aux origines de la Bible, réalisé par Thierry Ragobert. Un documentaire alors qui est visible en ligne sur arte.tv et qui sera diffusé samedi, le 9 janvier à 20h50 sur la chaîne Arte. Thomas Romer, bibliste, effectivement, mais quel beau métier. Cependant, dès qu'il est question de la Bible et de l'Arche d'Alliance, il est nécessaire de se départir de tout notre imaginaire. De quelle source disposez-vous en fait pour construire un propos? J'ai envie de vous demander simplement de quelle source disposez-vous hors de la Bible? Hors de la Bible, en effet, il y a l'archéologie. Donc je ne suis pas archéologue de formation, mais évidemment, les histoires sur l'arche dans la Bible font référence à certains endroits où l'arche aurait séjourné. Et ces endroits sont accessibles et donc on peut voir ce que ces lieux nous livrent par rapport au récit biblique. Ensuite, évidemment, il y a beaucoup de spéculations sur l'arche dans des textes plus récents que le texte biblique. Mais là, nous sommes déjà en effet dans du fantasmagorique où on s'imagine où l'arche aura pu se trouver, parce que le grand mystère de l'arche, c'est qu'il a été perdu à un moment donné et personne jusqu'à aujourd'hui ne l'a retrouvé. Mais la première source en dehors du texte biblique reste bel et bien l'archéologie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec nous dans le cours de l'histoire, un archéologue, spécialiste du Proche-Orient, chercheur au CNRS, Christophe Nicole. Bonjour. Bonjour, monsieur Mauduit. Christophe Nicole, dès qu'il est question de l'Arche d'Alliance, ou en tout cas des éléments qui sont liés à l'histoire du peuple hébreu, nous avons cette chance d'avoir du texte. Et quand il est question de l'arche, les lieux sont cités dans le texte. Dès lors, pour l'archéologue, c'est un véritable plaisir et c'est presque un vice et une perversion de vouloir relier le texte à l'archéologie. Mais pour l'archéologue, c'est une force majeure d'avoir ce texte biblique. Ah, c'est à la fois une force et à la fois une grande difficulté, puisque comme vous le dira professeur Romer, c'est justement, ça pose la question de l'historicité de la Bible, ou de l'Ancien Testament en tout cas, et toute la question est d'arriver à vérifier si ce qui est écrit dans la Bible est une réécriture plus tardive des événements, ou a vraiment eu lieu et s'est vraiment déroulé. C'est un peu comme quand Schliemann se déplace en Turquie en lisant l'Iliade et l'Odyssée pour retrouver Troie. Nous, c'est un peu la même chose. On a la chance d'avoir cette documentation très importante, mais il faut arriver à faire la part du vrai et du faux. Oui, c'est au cœur de ce documentaire autour de l'Arche d'Alliance aux origines de la Bible, qui sera diffusée sur Arte. Il y a les sources archéologiques, il y a ce texte biblique, mais qui lui-même est un document qu'il faut déconstruire. Écoutez, moi je vous propose de laisser tout de suite la parole à un des témoins privilégiés de cette histoire de l'Arche d'Alliance, tout simplement Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Dieu qui parle dans le film Les Dix Commandements de Cecil B. DeMille en 1956, il parle à Charlton Heston, c'est-à-dire à Moïse. Thomas Romer, il faut sans doute remettre en place déjà le récit que nous offre la Bible de l'évolution, du parcours de cette arche d'alliance. Le peuple hébreu quitte l'Égypte, il est conduit par Moïse, il se dirige vers la terre promise. Très bien, il y a cette scène des 10 commandements. Peut-on dire que c'est à partir de là que commence l'histoire de l'arche d'alliance? Alors si on prend le récit biblique sans l'interroger sur ses strates, parce que la Bible c'est un peu comme l'archéologie, il faut distinguer plusieurs strates, mais si on prend le récit tel qu'il a été transmis finalement, c'est vrai que la première fois on entend parler de l'arche lorsque Dieu se révèle à Moïse, lui donne les tables de la loi et puis lui demande en fait de fabriquer un coffre pour déposer ces tables de la loi. Donc c'est pour la première fois et ensuite ce coffre est transporté par les Israélites jusqu'à l'entrée dans le pays pour ensuite être déposé dans un sanctuaire qui s'appelle Silo ou Shiloh, qui se trouve dans le nord du pays. Et ensuite de Shiloh, l'arche va être volé ou capturé par les Philistins lors d'un combat. Donc là aussi, on se pose déjà la question, pourquoi un coffre qui contient les tables de la loi est amené par les Israélites dans un combat? Donc ça laisse déjà poser toutes sortes de questions. Toujours est-il que l'arche donc est pris par les Philistins. Mais une fois qu'il est en terre philistine, il fait tellement de malheur que les Philistins, en fait, décident de la rendre aux Israélites. Et donc l'arche arrive d'abord dans une petite ville qui s'appelle Beth-Shemesh, qui est à la frontière. Et là, les habitants israélites de la ville, ils vont ouvrir l'arche, ils vont regarder dedans et ils sont frappés de mort par Yahvé. Donc là, on se pose la question, mais pourquoi en effet cette punition? Et de là, l'arche va arriver à un endroit qui s'appelle Kiryat Yearim, et c'est justement cet endroit-là que nous avons fouillé. Et on dit simplement dans la Bible, l'arche en fait y était déposée et quelqu'un était consacré prêtre. Mais si quelqu'un est consacré prêtre, ça suppose qu'il y a un sanctuaire ou quelque chose pour garder l'arche. Et toujours selon le récit biblique, l'arche ensuite aurait été prise par David pour la transporter à Jérusalem, la déposer là-bas jusqu'à ce que Salomon construise le temple, et l'arche aurait été donc déposée dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans la partie la plus sacrée du temple. Et ensuite, ensuite, on sait plus grand chose. Donc, on raconte rien plus sur l'arche. Et puis, Jérusalem est détruite par les Babyloniens en 587 avant l'ère chrétienne. Et puis, l'arche, qu'est-ce qu'elle devient? Et c'est là que commencent les spéculations. Donc ça, c'est le récit biblique si on le prend un peu dans sa synchronie. Et évidemment, après, il faut se poser la question comment ces récits ont vu le jour, pour quel motif, etc. Oui, et ce récit biblique est une aventure. C'est là que commence même cette histoire, cette énigme palpitante, parce que le récit biblique nous apporte énormément d'informations qu'il faut confronter à l'archéologie. Donc, nous comprenons bien, à la sortie d'Égypte, l'arche voyage, et puis elle arrive, pour pas très longtemps, nous dit la Bible, une vingtaine d'années, à Kiryat Yeraïm, avant d'aller à Jérusalem. Ce site que vous avez fouillé, qui est au cœur du documentaire « L'Arche d'Alliance aux origines de la Bible », Christophe Nicole, vous le connaissez ce site, hein, à quoi ressemble-t-il? On le voit dans le documentaire, il faut le dire aux auditeurs, aux auditrices de France Culture, c'est étonnant, c'est un site particulier, presque bucolique. Oui. C'est une région très de collines, très boisée en ce moment, actuellement, dans laquelle à l'époque on cultivait sans doute beaucoup les oliviers et la vigne. Et parmi ces nombreux, enfin les sites s'installent généralement au sommet de ces collines. Et il en était ainsi du site de Kiryat Yeraïm, qui est actuellement occupé par un monastère, ce qui explique que le site est l'aspect bucolique du site qui a été préservé de l'urbanisation galopante qui est en cours dans cette région. Oui, parce que pour l'archéologue, il y a quand même énormément de contraintes dans toute cette région. Christophe Nicole, un chercheur au CNRS rattaché à l'Institut des civilisations du Collège de France, ce Proche-Orient que vous fouillez, c'est un Proche-Orient occupé. Ces sites comme Jérusalem, mais tant d'autres, sont des sites qui vivent encore aujourd'hui. L'urbanisation est votre grand concurrent. Et là, c'était une chance d'avoir un espace encore vierge, mais vierge même de fouilles. Et c'est assez pertinent de se dire que là où l'on dit que l'Arche d'Alliance a séjourné, il n'y a jamais eu de fouilles vraiment réalisées. Oui, mais c'est la situation particulière de ce site. C'est la présence même du monastère qui a protégé le site. Toute l'habilité des entrepreneurs de cette expédition, à savoir Israël Finkelstein et Thomas Römer, a été de s'accorder, de convaincre les sœurs du monastère de nous laisser travailler sur le site, en leur promettant de pas trop abîmer l'endroit et de le remettre en état tel qu'il était avant la fouille. Et alors, c'est un des rares sites de la région d'ailleurs qui n'a jamais été fouillé. Oui, qui n'a jamais été fouillé, et c'est passionnant toujours de suivre une fouille avec bien sûr le risque de ne rien trouver. Ça, c'est le risque de la fouille. Ou alors de trouver des choses difficiles à interpréter. Thomas Römer, dans ce site de Kiryat Yeraïm, qui est là où aurait séjourné pendant un certain temps l'Arche d'Alliance, qu'avez-vous trouvé? Le film le montre, on a surtout trouvé des murs de plusieurs époques, pas toujours très difficiles à identifier par rapport à la datation, mais avec une probabilité que la construction la plus ancienne daterait du 8e siècle. Et ce mur, en fait, entoure un espace qui correspond en fait à l'espace du monastère et de l'église, qui est bien trop petit pour être une ville, d'autant plus qu'on a trouvé des traces d'une ville plus bas. Donc, du coup, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a voulu protéger, soutenir au 8e siècle avant l'ère chrétienne? Et là, on est déjà un peu en décalage avec le récit biblique, parce que selon le récit biblique, l'arche aurait été entreposée là, disons, vers la fin du 11e siècle avant l'ère chrétienne. Donc, déjà, il faut se poser la question, comment on peut ou on doit combiner cette découverte? Oui, parce que la démarche de l'histoire rien de l'archéologue n'est pas de dire la Bible a raison, la Bible a tort. La Bible est un document historique qui est passionnant et qui permet de comprendre ce que l'archéologue trouve. Justement, vous parlez, Thomas Römer, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Quelle est la situation géopolitique de ce territoire? À ce moment-là, en effet, il faut peut-être rappeler que durant la première partie du premier millénaire avant l'ère chrétienne, il y a en fait deux royaumes qui occupent ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël et les territoires palestiniens, donc ce qu'on appelle le royaume d'Israël ou le royaume du Nord avec la capitale Samarie et le petit royaume de Juda avec la capitale de Jérusalem. Et au 8e siècle, en fait, la puissance plus importante, c'est le royaume du Nord, donc Israël, où règne un roi qu'on appelle Jéroboam II, parce qu'il y a un premier Jéroboam plus avant. Et ce Jéroboam II, apparemment, a réussi quand même à contrôler la région presque jusqu'à Jérusalem. Et dans ce contexte-là, on peut se poser la question si ce site Kiryat Yearim n'a pas quelque chose à faire avec la politique d'expansion de ce roi-là. Oui, parce que il y a une notion de frontière qui est passionnante pour comprendre en quoi ce site de Kiryat Yearim est un site stratégique pour le royaume du Nord, ce royaume d'Israël, qui est un royaume puissant. Il y a un regard porté vers le royaume du Sud, celui de Juda. La volonté, en fait, d'unir ces deux territoires est une grille de lecture qui nous permet de comprendre aussi l'histoire de l'Arche. Tout à fait. Donc, il faut peut-être rappeler que Kiryat Yearim est situé dans un territoire qu'on appelle Benjamin, qui est une sorte de territoire tampon entre le Nord et le Sud, qui souvent était contrôlé par le Nord, plus tard récupéré par le Sud, et établir une sorte de sanctuaire ou de forteresse à cet endroit-là, c'est une manière aussi de contrôler le Sud, puisque on est à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. D'ailleurs, on le voit dans le film, depuis Kiryat Yearim, on a une très très belle vue sur Jérusalem. Et puis, en plus de la géopolitique, il faut apporter la lecture temporelle, l'évolution. Christophe Nicole, nous voyons bien ces deux territoires qui apparaissent, enfin qui forment un ensemble malgré tout, avec une certaine cohérence. Israël au nord, le royaume de Juda au sud, cette volonté d'unir les deux. Mais le regard que l'on doit porter sur cette région nécessite de prendre en compte les empires alentours. Oui, à l'époque, il faut savoir que, la région se place entre les puissances égyptiennes et les puissances hittites, et puis assyriennes et babyloniennes au nord. Et toute l'histoire, une grande partie de l'histoire de cette région se déroule est ponctuée par des interventions de ces puissances qui cherchent à dominer le territoire. Et c'est notamment la destruction de Samarie en 722 par le roi assyrien Sargon II qui va bouleverser la géopolitique locale et qui va permettre sans doute l'émergence et la domination de Juda sur le royaume du Nord. Un jeu sans cesse entre ces deux royaumes qui explique aussi la croissance subite de cette ville de Jérusalem. Jérusalem qui, on voit les images dans le documentaire, qui est une ville d'une densité historique que l'on a du mal encore à saisir avec des zones non fouillées, là où il reste encore énormément de mystères. Mais dans ce film, Thomas Romer, vous mettez bien en évidence que le petit lieu de transition, Kiryat Yearim, ce petit lieu où l'Arche aurait séjourné 20 ans, en fait, est beaucoup plus important. La Bible nous dit l'Arche n'y est restée que 20 ans. L'archéologue dit non, beaucoup plus longtemps, sans doute. Il y a une réécriture de la Bible, mais pourquoi ? Oui, il y a tout à fait une réécriture de la Bible. La Bible est écrite dans une perspective sudiste, c'est-à-dire, bien que l'historien voit très bien que, pendant longtemps, le petit royaume de Juda était vassal du royaume d'Israël, une fois que ce royaume, comme l'a rappelé Christophe Nicole, a disparu en 722, Juda se développe, Jérusalem devient pour la première fois une vraie capitale, et les scribes de la cour de Jérusalem vont en effet réécrire l'histoire pour dire en fait le vrai lieu que Yahvé s'est choisi depuis toujours, depuis David et Salomon, ça a été Jérusalem. Et donc du coup, il est inconcevable que l'Arche aurait résidé ailleurs longtemps alors qu'elle aurait dû être à Jérusalem. Donc en fait, on va en effet inventer l'idée que David l'aurait cherché déjà avant même la construction du temple pour le ramener à Jérusalem. Donc c'est en effet une réécriture dans cette perspective jérusalémite ou judéenne. Oui, puis il y a même une cohérence. Alors cette fois-ci, avec une micro-correction entre ce que trouve l'archéologue et puis ce que dit la Bible. La Bible dit 20 ans. Bon, en vérité, ce serait plutôt 200 ans. Donc il suffirait de rajouter un zéro. Oui, on pourrait rajouter un petit zéro. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment 200 ans, mais s'il y a un sanctuaire, une construction importante, il n'aura certainement pas été fait pour juste une période transitoire de quelques décennies. Donc, on peut en effet imaginer qu'il y a de l'activité sur ce site. Et d'ailleurs, là, Christophe parlera mieux que moi. Un peu plus bas, on a trouvé, en effet, des installations cultuelles ou autres qui montrent que le site était sans doute encore occupé au 7e siècle. Donc, ça montre, en effet, qu'il y a une longue continuité sur ce site et que la Bible, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire, diminue un peu son importance. Donc, je pense, pour l'archéologue, le site est sans doute plus important que pour le récit biblique, où c'était juste une sorte de station transitoire. Christophe Nicole, vous confirmez donc, pour l'archéologue, le site est beaucoup plus important que ce qu'en dit la Bible. Les surprises de nos fouilles, c'est de découvrir dans la pente du Tell, en contrebas de cette plateforme où a été construite le temple, toute une série de bâtiments soigneusement construits, avec au moins un hôtel à partir duquel partait un conduit pour des écoulements sans doute sacrificiels, et d'autres conduits de ce type ont été retrouvés ailleurs sur la pente, et on se demande s'il ne s'agirait pas là d'annexes du temple, ou de là où on amenait les animaux pour les sacrifices, pour faire les offrandes à la divinité, et avant d'apporter ces offrandes, une fois préparées, sur la plateforme, dans le temple lui-même. Donc, c'est effectivement ça. Et comme ces annexes ont été datées un peu plus tardivement du fer C, ça effectivement amplifie l'occupation, la durée d'occupation du site, et va dans le sens d'une occupation effectivement plutôt vers les 200 ans, quoi. Plutôt vers les 200 ans. Que les 20 ans, voilà. Oui, parce qu'avec ce territoire du Nord, ce royaume du Nord, Israël, qui passe sous domination des empires de l'Est, il y a un déplacement de population, Jérusalem devient une grande ville et il faut que Jérusalem soit prestigieuse depuis longtemps, d'où la nécessité de dire que l'Arche est là depuis longtemps. Écoutons un extrait du documentaire, hein, l'Arche d'Alliance aux origines de la Bible, qui est diffusé sur Arte. Kiryat Yarim. Nous pouvons maintenant avancer avec assurance que le début de l'écriture des textes bibliques eut lieu dans le royaume du Nord, c'est-à-dire avant la composition à Jérusalem, dans le royaume de Juda. Plus encore, nous pouvons avancer que certains des concepts majeurs de la Bible hébraïque viennent du Nord. L'exemple le plus important et l'idée de la monarchie unifiée, à savoir la perspective pan-israélite. Israël et Juda, les deux royaumes hébreux unis, sous un même roi régnant, à Samarie. Nous venons d'entendre dans le film de Thierry Ragobert, l'Arche d'Alliance aux origines de la Bible, parler Israël Finkelstein, qui est un personnage essentiel du film. J'aime beaucoup dire cela parce que là, nous parlons d'archéologues, nous parlons de savants, de chercheurs, mais qui travaillent sur un sujet qui a énormément fasciné les réalisateurs et les romanciers. Mais il y a cette lecture qui nous intéresse, évidemment liée à la religion. Thomas Romer, est-ce que à ce moment-là, au moment où vous étudiez ces différents sites et déplacements de l'Arche d'Alliance, nous sommes dans du monothéisme? Est-ce que ce peuple-là n'a qu'un seul Dieu qui serait Yahvé? On n'est certainement pas encore dans le monothéisme, donc si on se situe au 8e siècle, Yahvé est sans doute ce qu'on peut appeler la divinité tutélaire ou le dieu national à la fois d'Israël et de Juda, qui ont quand même une histoire un peu commune, mais il y a d'autres divinités. D'ailleurs, sur le site même de Kiryat Yearim, je crois que c'est montré dans le film, on a trouvé aussi la tête d'une statuette qui pourrait être en effet une représentation d'une déesse Asherah qui, comme nous le savons par d'autres inscriptions, était associée, parèdre, maîtresse du dieu Yahvé. Donc Yahvé est sans doute le dieu le plus important, mais on vénère bien d'autres dieux. Donc le monothéisme est quelque chose qui va se mettre en place bien plus tardivement, sans doute après la destruction de Jérusalem et du temple. Le temple, justement, il faut en parler de ce temple, Christophe Nicole. Le temple, lui aussi, est l'objet de fantasmes, ce temple construit à Jérusalem pour accueillir l'Arche d'Alliance. Quelles traces avons-nous de ce temple ? Ah, le problème, c'est que le temple est maintenant à l'emplacement d'un autre lieu religieux important actuellement. Donc, il est hors de question d'y faire des fouilles. Et en dehors du mur, ce qui est supposé être le mur d'enceinte de périmètre de ce temple, on n'a pas pu la possibilité de faire des fouilles à l'endroit même. Donc on ignore, hors des descriptions qui sont dans la Bible, on ignore tout de ce temple. Il en est de même malheureusement pour le temple de Kiryat Yearim. Pour l'instant, nous n'avons pas pu commencer les fouilles à l'endroit où pourrait se trouver le temple, c'est-à-dire au sommet de la colline. Oui, parce que au sommet de la colline, il y a un monastère qui lui-même a pris la place d'une église byzantine, qui a sans doute pris la place de quelque chose qui était là auparavant. Il y a encore énormément de mystères qui se construisent autour de cette arche d'alliance, d'ailleurs, qui doit ressembler à quelque chose. Thomas Römer, à quoi ressemble-t-elle ? Nous savons, et la Bible le dit, qu'elle a changé d'aspect. Son aspect premier, quel était-il ? Son aspect premier, ça dépend comment on date les textes bibliques, mais je pense son aspect premier, c'était un coffre, probablement en bois, dans lequel se trouvait à l'origine, je pense pas forcément les tables de la loi, mais sans doute une représentation, une statuette de Yahvé qu'on amenait justement dans les expéditions militaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien légitimer, cette hypothèse, en regardant l'iconographie des textes égyptiens assyriens, parce que des sanctuaires portables dans lesquels on place une ou deux statuettes de divinités qu'on sort ensuite pour des processions ou des expéditions, c'est quelque chose qui est bien attesté à la fois en Égypte et en Assyrie. Donc, parce que parfois les gens se posent la question, est-ce que vraiment il y a eu une arche ? Il y a peut-être eu pas une seule arche, mais plusieurs. Donc, mais ce phénomène en fait de sanctuaire transportable est quelque chose de tout à fait plausible. Après, cette idée que vous avez citée au début, l'arche couverte d'or avec les chérubins qu'on trouve dans les livres de l'Exode, ça, c'est en effet une spéculation bien plus récente, donc qui a été écrite par des prêtres qui, en effet, œuvraient à la reconstruction de ce qu'on va appeler le deuxième temple. Et c'était peut-être un modèle de l'arche reconstruite telle qu'elle devrait se trouver au deuxième temple. Mais ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais réalisé. Quelque chose qui ne s'est jamais réalisé, parce que dans la lecture que vous avez, Thomas Römer, de la Bible, vous arrivez à identifier cet enchevêtrement incroyable de textes d'origines différentes qui, mis bout à bout, qui se tressent les uns dans les autres, mais qui forment un tout cohérent, qui est la Bible. Mais malgré tout, il y a des textes qui parlent spécifiquement de l'arche. Alors, justement, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous, avec votre regard de bibliste, vous voyez ce texte qui parle de l'arche. Il faut en effet, je pense, avoir un peu la même attitude par rapport au texte biblique que l'archéologue a par rapport à un tel. Donc on peut regarder le tel dans son entièreté, mais ensuite on se rend compte qu'il y a plusieurs couches. Et pour le récit biblique, c'est un peu la même chose. Si je prends l'exemple de l'arche, on peut très bien montrer en découpant le texte que le récit le plus ancien autour de l'arche, c'est l'arche dans le sanctuaire de Shiloh, capturée par les Philistins et amené à Kiryat Yearim. Je pense que ça, c'est en effet le récit le plus ancien qui donne à l'origine une légitimation à Kiryat Yearim. Et dans ce récit ancien, l'arche n'est pas du tout le contenant des tables de la loi, mais plutôt d'une représentation de Yahvé, puisqu'il s'agit justement de montrer la puissance de Yahvé lors des expéditions militaires. Ensuite, lorsque Jérusalem devient important et le royaume du Nord disparaît, il y a un roi à Jérusalem qui va surtout profiter de cela, ou plutôt son staff, ses scribes, ses prêtres, pour en effet reconstruire cette histoire en disant non, l'arche elle était là dès l'origine. Donc on va rajouter en fait un chapitre pour dire que Kiryat Yearim c'était juste un entrepôt avant que David ne soit venu pour chercher l'arche et l'amener à Jérusalem. Mais on va très bien, lorsque Salomon place l'arche dans le temple, la Bible nous dit il n'y a rien dans l'arche que les tables de la loi. Et évidemment, pour l'historien, le bibliste, quand on lit quelque chose comme ça, on est déjà un tout petit peu interrogatif. Pourquoi on insiste tellement sur le fait qu'il n'y a rien d'autre dans l'arche? Donc ça veut bien dire que les tables de la loi sont venues se substituer à quelque chose, justement, qu'on ne trouve plus tellement orthodoxe, à savoir une représentation de Yahvé, puisque tout à l'heure, vous avez cité les 10 commandements, où la première, le premier ordre que Yahvé donne, c'est de ne pas se faire de représentation. Mais ça, c'est justement quelque chose qui intervient bien plus tard. Et pour être en conformité avec cette idée-là, on va donc décider que l'arche, en fait, devient désormais le coffre où se trouve la loi et pas une représentation de Yahvé. Le récit est adapté à la volonté du moment où il est écrit. Une relecture du passé, bien sûr, et c'est la Bible, donc c'est de la religion. Et vous avez cité, Thomas Römer, un des sites fouillés, celui de Shiloh, eh bien, nous y allons. Shiloh est important parce que le tabernacle était ici. Et bien sûr, le Saint des Saints à l'intérieur du tabernacle, c'était l'Arche de l'Alliance. Cela pendant plus de 3 siècles. C'est là que les anciens Hébreux venaient se connecter avec Dieu et se connecter les uns aux autres par le biais du système sacrificiel. Le site regorge d'objets dont certains ont une importance particulière pour Scott Stripling. Cette saison, nous avons trouvé environ 500 objets. C'est notre 3e saison de fouilles. Certaines des plus importantes trouvailles proviennent justement de cet endroit. L'un des objets majeurs est cette grenade en céramique. C'est important parce que c'est un motif lié au tabernacle. La Bible dit que les prêtres avaient des grenades suspendues à l'ourlet de leurs vêtements. Le nombre de grains contenus dans une grenade est probablement de 613 pépins. C'est le nombre de commandements dans la Bible hébraïque. Beaucoup pensent que c'est pour cela que la grenade était sacrée et significative. Quand ils sont arrivés en terre promise, les gens avaient des dattes, des figues, des raisins, divers fruits. Mais un seul était sacré et représentait la présence de Dieu. C'était la grenade. Un extrait du documentaire « L'Arche d'Alliance aux origines de la Bible » de Thierry Ragobert. Thomas Römer, effectivement, nous entendons ici la fouille d'un site. Ce site est fouillé, alors là c'est aussi intéressant parce que nous sommes dans la géopolitique actuelle, par des archéologues, mais on va dire habités, qui ont la volonté de prouver que la Bible dit vrai. Oui, ça c'est un peu l'archéologique. Telle, à mon avis, il ne faut pas la faire, c'est-à-dire l'archéologie qui se met au service de l'idée que la Bible est inspirée directement par Dieu et que tout ce qui se trouve dans la Bible est une vérité historique. Donc, ce que cette équipe cherche, c'est le tabernacle, ce qui est déjà très curieux, parce que le tabernacle, c'est une tente, donc comment après 3000 ans vous allez retrouver une tente, ça c'est déjà très très compliqué. Et puis ensuite, on se focalise sur des idées qui sont bien plus récentes. Par exemple, quand il se dit, voilà, il y a 613 pépins dans une grenade, ça, il faut encore le prouver. Et 613, c'est le nombre des lois dans la Bible. Cette idée qu'il y a 613 lois, ça vient des rabbins du 4e, 5e siècle de l'ère chrétienne. Donc, on mélange un peu tout pour prouver que la Bible a raison. Donc, je pense que c'est très intéressant que le film montre cette approche-là, mais c'est justement, pour moi, une manière dont il ne faut pas faire l'archéologie en lien avec la Bible. Voilà, c'est ça. Toujours se méfier de cette relecture d'un texte qui lui-même a été construit en relecture de ce qui s'était passé pour justifier sans cesse le présent. Christophe Nicole, dans la lecture que vous avez de vos sources archéologiques, pensez-vous qu'il est possible de trouver des traces précises de l'arche? Et même, cela est-il utile? Des traces précises, j'aimerais bien. Mais malheureusement, comme vous l'a dit le professeur Romer, l'arche était en bois. Donc vous imaginez, plus de 2000 ans après, il y a fort peu de chances de retrouver des vestiges d'un coffre en bois. Éventuellement, s'il y a eu des chérubins effectivement en or, mais encore là, s'il s'agissait d'objets avec des matériaux précieux, il est certain que des gens à un moment donné ont dû les récupérer pour les réutiliser. Donc, mais en fait, c'est pas tellement ça qui est important de retrouver l'arche, parce que l'arche a sans doute existé sous une forme ou sous une autre. Ce qui est important, c'est d'en trouver de retracer son itinéraire, notamment de vérifier si son itinéraire a été bien retracé, et de voir dans quel contexte il s'inscrivait sur le site, c'est-à-dire essayer d'en savoir plus. Notamment, on parlait du temple de Jérusalem tout à l'heure. Si on arrive à trouver un autre temple de cette période et aussi très important, un peu plus ancien, tout aussi important, celui de Kiryat Yearim, ça serait une grande avancée pour l'archéologie. Donc, la découverte du temple, bon, il est probable que l'on aura du mal à découvrir ce temple, parce que s'il se trouvait, par exemple, sous l'église actuelle, il faut savoir que souvent dans ces régions-là, ce sont des régions de collines calcaires, quand les nouveaux arrivants s'installent sur un lieu, ils ont tendance à raser les vestiges antérieurs jusqu'au rocher pour construire de nouvelles maisons ou de nouveaux bâtiments. Donc, il est fort probable, malheureusement pour nous, que toute trace de ce temple de Kiryat Yearim est disparue, mais comme l'espoir fait vivre et que les archéologues sont très optimistes, de nature très optimiste, nous allons chercher, essayer de trouver les traces de cette construction. En tout cas, les traces de la relecture de cette construction existent. C'est la Bible, c'est ce texte biblique. Thomas Romer, il est passionnant de voir dans le documentaire, mais de vous lire aussi avec Jacqueline Chabi, Dieu de la Bible, Dieu du Coran, où toute cette réflexion, vos cours au Collège de France qu'on peut écouter sur France Culture, eh bien, toutes ces réflexions nous montrent en fait que la lecture de la Bible est une relecture. C'est-à-dire que à différents moments, on a voulu justifier la position de tel royaume, la force de telle ville, je pense à Jérusalem, en utilisant le passé, en l'occurrence, c'est l'Arche d'Alliance. Pourquoi l'Arche d'Alliance devient-elle aussi importante, ce coffre en bois avec une statue de Yahvé transportée pour faire gagner des batailles? Très bien, elle devient mais un objet en or magnifique qui contient les tables de la loi, qui contient presque Dieu lui-même. Oui, tout à fait. Je pense l'importance de l'arche, c'est sans doute aujourd'hui pour beaucoup de croyants ou non-croyants, jusqu'à Indiana Jones, cet objet un peu mystérieux qui disparaît. Je pense l'arche est devenue tellement intrigante parce qu'il a disparu, parce qu'on l'a pas trouvé justement. Et si on prend les représentations de l'arche qui se basent toutes sur ce texte du livre de l'Exode, où on a en effet cet objet magnifique qui finalement est assez petit. Si on prend les mesures qu'ils nous ont données, c'est moins qu'un demi-mètre, si je me souviens bien. Donc là, en fait, on fait la surenchère, tout est en or, etc. Les chérubins, qui étaient sans doute à l'origine des sortes de sphinx, qui n'étaient pas sur l'arche, mais qui gardaient peut-être l'arche dans le temple. Donc tout ça, ça construit évidemment un imaginaire. Pourquoi dans la Bible c'est tellement important? Parce que c'est aussi une manière de montrer, après, lorsqu'on a perdu la cohésion nationale, puisqu'après la destruction de Jérusalem en 587, il y a eu la dispersion, la diaspora, il y avait des Judéens qui étaient arrivés à Babylone, et il y avait d'autres qui étaient en Égypte, d'autres qui étaient restés dans le pays, d'autres plutôt au nord, dans la Syrie actuelle, et donc l'arche, qui peut justement voyager, c'est une manière de dire que le Dieu d'Israël peut aussi voyager, et donc, même si on n'est pas à Jérusalem, on peut quand même avoir accès à ce Dieu-là. Donc c'est un peu cette idée de la mobilité du Dieu d'Israël qui s'exprime aussi derrière l'histoire de l'arche. Et à quel moment a-t-on la dernière trace de la présence, je ne parle pas de l'existence, mais de la présence de l'arche d'Alliance? À quel moment la perd-on? Alors, on sait qu'on a dû perdre l'arche lors de la destruction du temple de Jérusalem. Le récit ne le dit pas. Par contre, nous avons un texte dans le livre attribué au prophète Jérémie, où le prophète aurait dit « il faut plus reconstruire l'arche parce que Jérusalem tout entier est en quelque sorte l'arche de Yahvé ». Donc, ça montre que après la destruction du temple, la perte de l'arche, soit la destruction ou alors on l'a amené comme butin à Babylone, à partir de ce moment-là, il y avait des gens qui disaient justement « il faut reconstruire une arche ». Et la voix qui s'exprime dans le livre de Jérémie, c'est de dire « non, non, on la reconstruira pas ». Et à partir de cela, on a ensuite une tradition qu'on peut appeler apocryphe, qui se trouve pas dans la Bible hébraïque, mais dans le livre des Maccabées, où ce sera le même prophète Jérémie qui, en fait, avant la destruction du temple, aurait caché l'arche sous le mont Nebo. C'est pour cela qu'il y a parfois des fous aussi qui cherchent à fouiller en Transjordanie sur le Nebo pour trouver l'arche, évidemment, avec le succès qu'on connaît. Thomas Römer, juste, vous allez me corriger si je fais une erreur. Vous parlez de la destruction du temple. Le moment où l'arche a disparu, c'est la destruction du temple au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est ça, par les Babyloniens, 587, oui, pour être précis. Eh bien, écoutez, pour vous remercier, de toute façon, vous ne pouviez pas y échapper. Il est là. Les nazis ont découvert Tanis. Mais qu'est-ce que c'est que Tanis ? C'est une cité disparue qui abritait vraisemblablement l'arche d'Alliance. L'arche d'Alliance ? L'arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quels commandements ? Vous voulez dire les 10 commandements ? Oui, je veux dire les 10 commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Horeb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures. Vous n'allez jamais au catéchisme ? Mais... Les Hébreux recueillirent les morceaux des tables de la loi dans l'arche et quand ils s'en allèrent à Canaan, ils déposèrent celles-ci dans un temple, le temple de Salomon. À Jérusalem. Où elle resta de nombreuses années. Jusqu'à ce qu'un beau jour, elles disparaissent. Où ça ? Ah ça, personne ne sait ni où, ni quand. Cependant, un certain pharaon du nom de... Shishak. Ah oui, s'empara de la ville de Jérusalem en 990 avant Jésus-Christ et peut-être emporta-t-il l'arche d'Alliance jusqu'à la cité de Tanis. Et là, croit-on, elle serait cachée dans une salle secrète, le puits des armes. Le puits des armes. Malheureusement, un an à peine après le retour triomphal du pharaon en Égypte, la tranquille cité de Tanis fut engloutie, dévorée par le désert lors d'une tempête de sable qui dura toute une année. Réduite à néant par la colère de Dieu. Indiana Jones à la recherche de l'arche perdue, le film de Steven Spielberg en 1981. Thomas Römer, ça va, vous n'en avez pas assez qu'on vous fasse Indiana Jones écoutez, à chaque fois. On l'a aussi passé à nos étudiants qui étaient sur le site pour fouiller. Et je pense c'est toujours un plaisir de le revoir. Et ce qui est intéressant, donc c'est pas non plus un film qui est construit à partir de rien. Donc cette idée que l'arche se trouve en Égypte, en Éthiopie, c'est en effet des traditions déjà bien plus anciennes que Spielberg ou je ne sais pas si c'est lui qui a fait le scénario, a repris. Donc, et même, semble-t-il, cette fascination de Hitler pour l'arche n'est pas totalement, semble-t-il, sans fondement. Mais ça, je ne suis pas spécialiste, mais j'avais lu 2-3 articles qui, en effet, vont un peu dans ce sens, qu'il y avait cette fascination-là. Et puis, de toute façon, on a toujours spéculé, les francs-maçons l'ont cherché dans la cathédrale de Chartres. L'idée que Shishak aura volé l'arche, ça c'est base d'une certaine manière sur le récit biblique, parce qu'une fois que Salomon l'a introduit dans le temple, on raconte plus rien, donc du coup on se dit, bah peut-être elle a disparu déjà bien avant. Donc le film, je trouve, c'est assez intéressant, même avec les yeux de quelqu'un qui s'intéresse à la réception du texte biblique, on va quand même, c'est un peu comme les 10 commandements de Cécile B. DeMille, c'est quand même des gens qui ont un peu pris en considération toutes sortes de traditions, de fantasmes sur l'arche, et l'ont un peu recyclé à leur sauce, évidemment, mais je trouve c'est un film qui n'est pas sans intérêt. C'est un film de 1980, déjà, qui reflète les connaissances du moment. Ils n'ont pas pu aller plus loin et depuis, les connaissances archéologiques ont drôlement avancé. Christophe Nicole, de votre côté, spécialiste du Proche-Orient préclassique, dans ce monde ancien, vous aussi, vous n'en avez pas assez. Dès que vous faites des fouilles, qu'on vous demande si vous avez réussi à trouver l'Arche d'Alliance ou peut-être la tombe de Jésus ou n'importe quoi qui soit absolument probant. Non, parce que c'est des intérêts, des curiosités bien légitimes hein, qu'on cherche à que les gens cherchent à savoir si on a retrouvé les choses dont il est fait mention dans la Bible. C'est quand même parce que ce sont des histoires sur le long terme. On est là dans des récits qui ont plus de 2000 ans, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que plus de 2000 ans après, ces histoires passionnent encore les foules. On l'a bien vu avec le film de d'Indiana Jones, hein, malgré son sensationnalisme, ça montre bien que c'est un intérêt qui reste entier, et c'est normal que les archéologues au moins apportent des réponses, je dirais pas scientifiques, mais au moins cohérentes à ces interrogations. Vous évoquez les réponses scientifiques, Christophe Nicole. Eh bien, justement, je suis un gamin quand je découvre ça et que je vois les progrès techniques scientifiques qui vous permettent de dater. Alors, il y a plusieurs éléments hein, qui sont montrés dans le documentaire « L'Arche d'Alliance aux origines de la Bible », plusieurs techniques utilisées par les archéologues d'aujourd'hui, mais avec de la poussière de mortier, vous arrivez maintenant à dater des pierres, des constructions de murs. Alors, rien de pire à dater pour moi un mur en pierre. Mais si c'est possible. Oui, c'est possible. Enfin, c'est possible, c'est ce qu'on appelle les datations OSL ou LSO en français. C'est des datations par luminescence stimulée électroniquement. Et en fait, ça mesure le moment, ça permet de mesurer le moment à partir duquel certains matériaux ont été pour la dernière fois exposés au soleil, au rayon du soleil. Le degré de précision est pas extraordinaire. Hein. On n'arrive pas à descendre en dessous d'une centaine d'années de précision. Mais c'est suffisant, c'était le cas pour Kiryat Yearim, pour nous permettre de dater des éléments des murs que l'on trouvait, à déterminer si c'était des murs de l'âge du fer ou de la période grecque ou de la période romaine. Donc effectivement, de ce côté-là, il y a des gros progrès qui ont été faits. Mais je voudrais ajouter quand même que ce qui reste prépondérant dans nos recherches, dans nos démarches, c'est quand même le savoir-faire de l'archéologue, en dehors de tout savoir technique, puisque c'est l'œil de l'archéologue qui a permis de se poser la question de la présence d'une plateforme à Kiryat Yearim, en se promenant sur le terrain, en repérant des longs murs de terrasses. L'archéologue Israël Stevenson s'est posé la question de savoir, mais après tout, est-ce qu'on n'aurait pas là une plateforme culturelle qui ferait écho à ces événements de la Bible qui sont placés à Kiryat Yearim. Oui, moment d'ailleurs magique hein, de parcourir un peu ce site. Donc, il y a des pierres, c'est un peu végétalisé, c'est très beau. Et de se dire, mais ah, regardez, c'est pas un début de mur, ça, ce serait pas une plateforme. Et puis, il y a un autre aspect que nous ne pouvons pas évoquer dans cette émission, Thomas Römer, c'est que, en cherchant le parcours de l'Arche, son histoire, vous trouvez des éléments qui expliquent l'écriture de la Bible. Oui, c'est-à-dire, en fait, le film voulait aussi montrer que l'écriture de la Bible, comme le montrent les textes Qumran qu'on montre dans le film, est aussi quelque chose de très très complexe. Et ce qui est intéressant, si on visite ce musée d'Israël où est exposé le rouleau d'Ésaïe, c'est que sur ce rouleau-là, vous avez en effet des traces visibles de réécriture, de modification du texte. Et donc, on a là une preuve matérielle qui montre que le texte biblique n'a pas été fait d'un seul trait, mais qu'il est en effet l'aboutissement d'une longue histoire de transmission, d'abord orale peut-être, et ensuite de réécriture à plusieurs niveaux. Mais écoutez, merci beaucoup à vous deux, Christophe Nicole, Thomas Römer. Thomas Römer, je rappelle hein, que vos cours au Collège de France peuvent être écoutés sur le site franceculture.fr. Et puis, bien sûr, il y a le documentaire « L'Arche d'Alliance aux origines de la Bible » réalisée par Thierry Ragobert, diffusée sur Arte et que l'on peut regarder encore très très loin jusqu'en mars sur arte.tv. Merci vraiment vivement à vous deux de cette aventure biblique où nous avons croisé le roi David, Salomon, Jérémie, Jéroboam, et il faut rappeler, Jéroboam c'est toujours 5 litres, c'est quand même énorme. Merci beaucoup à vous deux. On retrouve tout de suite Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, un drapeau mais pas n'importe lequel, un drapeau particulier au Capitole, un symbole qui fait mal. Parmi les très nombreuses images de l'occupation du Capitole par les émeutiers favorables à Donald Trump, l'irruption du drapeau des Confédérés, le Dixie Flag, a horrifié les commentateurs. Alors que la statue du général sudiste Robert Lee avait été retirée des couloirs du Congrès en décembre pour répondre à la campagne de contestation et de déboulonnage des derniers mois, la revendication d'une identité sudiste américaine est à nouveau entrée par effraction dans le lieu emblématique de l'incarnation de la démocratie états-unienne. Take that house! Take it now! Take it now! Si le Dixie Flag est devenu l'emblème de l'extrême droite américaine, l'histoire de ce drapeau rouge barré d'une croix bleue étoilée s'étendait déjà de la guerre de sécession à la lutte contre le mouvement pour les droits civiques dans les années 50. Dans les films Birth of a Nation ou encore dans le célèbre Autant en emporte le vent, il symbolise la rébellion légitime terrassée par un État centralisateur. Ce drapeau procurait au début du XXe siècle un moyen efficace de convoquer la nostalgie du mode de vie des États du Sud vaincus à l'issue de la guerre de sécession en 1865. Une victoire du Nord abolitionniste suivie d'un débat qui dure depuis plus d'un siècle et demi, comme le rappelle l'historienne australienne Claire Corbould dans la version anglaise de The Conversation. Bien que les États-Unis se soient battus pour mettre fin à l'esclavage, la plupart des Américains blancs, y compris dans le Nord, s'engageaient rarement pour en finir avec le racisme. Fin de citation. À travers la mémoire d'un mode de vie, c'est un système économique basé sur l'exploitation de la force de travail des esclaves et ensuite sur les lois ségrégationnistes dites « Jim Crow » qui s'affichent dans l'espace public à travers le drapeau des Confédérés. Interdit par le ministère de la Défense, retiré des espaces officiels dans les derniers États qui le hissaient encore après les tueries de Charleston ou dans le Mississippi après l'assassinat de George Floyd, le Dixie Flag a fait une entrée fracassante dans le Capitole mercredi. En occupant pendant quelques heures le cœur de la démocratie américaine, les soutiens de Donald Trump ont apporté avec eux cette bannière du passé, la mémoire conflictuelle de la guerre de sécession et son clivage fondateur qui refait sans cesse son apparition. Avec l'exaspération des divisions politiques récentes, le Dixie Flag a regagné une charge politique explosive, à la fois revendication de la ségrégation raciale, mais aussi rappel de la division originelle des États qui composent la nation nord-américaine et une tentation séparatiste revitalisée. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Vudas, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Toute la semaine, nous nous intéressons à la manière dont nos ancêtres voyaient leur propre futur. Futurs antérieurs, histoire des représentations de l'avenir, divination, astrologie, gratte-ciel et voitures volantes, ce sont des émissions à écouter, à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, ils nous manquent, ils nous attendent et nous les attendons. Voir et montrer, partons au musée. Oui, l'art d'explorer et d'exposer les œuvres a une histoire, celle des collections, celle des trésors, bref, celle des musées. Allez, mesdames, messieurs, la semaine prochaine, nous suivons le guide.